Papá la papiri colipi. Claro que sí, chicos, prepárense, tomen alguna lola, pero tómenla bien fuerte porque... ¿Qué es que fue avec ça? Il avait pris une clé 12 pour faire ça, alors forcément c'était pas du boulot. Oh, il exagère, hein, c'est toujours comme ça avec lui. Bah, c'est normal, il sait pas faire. Avant, j'étais vieux. Alphonse. Maintenant, je suis mort. Allô? Allô? Ah! Allô! Y'a quelqu'un au téléphone! Allô! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas entendu sonner! Mais qu'est-ce que c'est que ça, ce téléphone qui sonne pas? Allô! Mais c'est qui? C'est Hippolyte! Oh, mais Hippolyte! Hippolyte! Mais Hippolyte, qu'est-ce que tu fais au téléphone? Mais je suis à l'enterrement du vieux Marcel! Oh, mais oui, mais c'est vrai, on avait complètement oublié! Mais oui! Mais t'es bien sympathique! On vous attendait, puis après j'embraye avec l'enterrement de l'autre Alphonse! Oh, à la bigonnière! Non. Hein? À la bégonnière? Qui? À la bégonnière! Oui! Oui! Ça, oui, à la lui... bétonnière, rappelle, oui! Rappelle-toi, celui que t'as tripoté! Oui! C'est pas y aller! Wow, ça va? Oui, ça va, Hippolyte! Comment ça va, toi? Tu t'amuses bien? Oh, ben à fond, hein! Y'a du vieux! Y'a beaucoup de gens qu'on aime bien! Y'en reste plus beaucoup! Mais qui sont morts! T'as bien de la chance de faire des enterrements parce que nous, on s'ennuie un peu quand même, hein! Y'a moins d'ambiance dans notre coin! Qui ça? Moi d'ambiance. Ambiance, oui. Il y a de l'ambiance, oui. Tu diras bonjour à Rosalie de ma part. Oui. Hein? Elle est à l'hôpital là. Mais oui, je sais bien, mais je pensais qu'elle se déplacerait. C'était quand même l'enterrement de son mari. Mais je comprends bien. Ben tu lui passeras le bonjour ou à sa fille. Ben oui. D'accord. À sa fille. Bien. C'était pour vous dire que là-bas tout se passait bien. D'accord. Ah ben, c'est bien. Il est 4h. Quelle heure il est? Il est 4h. Oui. Alors, qui? Est-ce que tu peux nous faire un petit compte en patois? Parce que je sais que la dernière fois, t'en avais fait un bien. Oui. Et ce serait bien qu'un petit peu les petits jeunes de Prune... Ils entendent la radio bonne Prune, histoire drôle. Entendent une bonne histoire, une bonne anecdote qui montre qu'on savait s'amuser quand on était jeune. Oui. Il y aurait ça. Mais oui, je pensais plutôt, comme c'était un peu la saison, apprendre à tout le monde une bonne vieille phrase en patois qu'on peut replacer n'importe où. Ah oui, c'est bien ça. Ah, oui. Alors, c'est vous une bonne êtes prêts idée. Oui. Hein? Oui, on t'écoute, Hippo. Qui? Hippolyte, on t'écoute. Oui. Oh, attention, j'y vais. Alors, il m'en vais à la reuil, il pêchait du guémon. Il m'en vais à la reille, il pêchait du guémon. Ben c'est pas du patois, ça, c'est du français. C'est de la normal, c'est de la langue normale, ça. Mais oui, c'est du patois. Bah. Oh, mais des fois, on sait pas, hein. Bah non. Alors ça veut dire. J'en veux pas, moi. Je vais à la plage pêcher des strings. Bah oui, bien sûr. Des strings? Bah des strings. Des strings? Vous voulez autre chose? Qu'est-ce que c'est que ces trucs des strings? C'est le truc, c'est un petit carré de tissu où il n'y a rien dessus et les filles elles mettent ça. Oh, j'aime bien ça. Oh, mais je vois pas moi. Mais si. Oh, mais oui, mais la petite Loana là. Avec ta ficelle dans le cul, ouais. Ah oui, d'accord, calme-toi, André, calme-toi. Oui, c'est ça. Qui ça? Hein? Quoi? Qui est là? Hippolyte! Oui! Oui? Hein? Où t'es là maintenant? Je suis au cimetière! Toujours au cimetière? À la bégonnière! À la quoi? À la bégonnière! Qui ça? À la bégonnière! Quelle heure est-il? Il est 4h, Hippolyte! Non, il est pas encore 4h! Si, il est 4h! Non, mais non, il est 4h, Alphonse! Non. Oh, t'as plus toute ta tête, hein! Si, j'ai bien de la chance, là! Je suis bien désolé, j'aurais bien voulu venir vous voir! Mais y a tous ces enterrements à faire, ces petites vieilles à voir. Mais oui, mais tu leur passes le bonjour qui de notre part. Qui est mort? Qui est mort? Le mort? Oui. Qui est mort? Est-ce qu'il va bien? Oui, le cheval aime ça, oui. D'accord. Hein? À la bigonnière. Hippolyte. Qui ça? Hippolyte. Oui. Où est-ce que t'as trouvé un téléphone? Mais j'ai emprunté celui de mon petit-fils. Il y en a pas au cimetière de la bégonnière. Bah non, moi je le connais bien aussi, il y en a pas, hein. Demandez à qui? Mais si, il y a du ciment dans la bétonnière, qu'est-ce que tu dis? Ah bon, d'accord, mais le téléphone, Hippolyte. Pas plus que du beurre au fond de la poêle. T'as pris un téléphone qui est sans fil? Qui est sans fil, oui. Oh! Mais marche bizarre, ça. Mais qui que tu veux faire avec ça? Quoi? Qui que tu veux faire avec ça? C'était pour nous appeler, Alphonse. Oui. Le téléphone, il est mort? Le téléphone n'est pas mort, André. Ah, il est 4h. Il est 4h. C'est l'heure de la soupe. Bon, il va falloir que j'aille enterrer le vieux Marcel, maintenant. D'accord. C'est toi qui creuses. Te fais pas trop mal, hein. On peut vous trouver où dans l'après-midi? On sera, comme d'habitude, on sera au club de bridge. D'accord. Il se peut que je vienne tirer les cartes avec vous. Oui, hein. Viens donc, Hippolyte. Qui? Viens. Là? Quoi? Thérèse! Oui? De la bigonnière! Elle m'a dit de te dire que si tu rentrais, c'était pas la peine de passer chez le Simon parce qu'il a pas reçu le beurre. Tu m'écoutes? Oui? Mais il est pas mort. Quelle heure est-il? Et il est 4 heures, Hippolyte! Il est pas encore 4 heures! J'ai pas faim! Comment? J'ai pas faim! Mais on s'en fiche, Alphonse, tu nous fatigues! Alors je vais y aller alors, hein? D'accord! Ah, Hippolyte, bonjour! À tout à l'heure, Hippolyte! Qui ça? À tout à l'heure, Hippolyte! Oui, on y va! D'accord, bon courage! Allez, je dis bonjour! Mais bonjour à ta femme! Qui ça? Ta femme! Et elle est enterrée, elle aussi. Bah oui, mais tu lui passeras le bonjour. Oui, mets-lui donc une petite fleur sur sa tombe, en notre nom. Oui. D'accord. Qui ça? Ta femme. Ah, ma femme. Oui, oui. Simone. Tu lui diras bonjour. Hein? Tu lui passes le bonjour. Oui, j'y vais, alors. Au revoir. Au revoir, Hippolyte. C'est ça, bordel. Oui. À tout à l'heure. Au revoir. Je sais pas comment on raccroche. Oui, je raccroche. Tu coupes la tranche, comme ils disent. Qui? Mais pas toi, Hippolyte! Ah bon? Raccroche, Hippolyte, voilà, maintenant! Je raccroche! Oui, t'appuies sur un bouton, puis ça raccroche. Tu coupes la tranche! Qui? Je sais pas comment on raccroche! T'inquiète pas, il a raccroché, Alphonse! Il sait faire, lui, hein! Radio Decati! Je l'écoute toute la journée! Sur mon lit! De mort! C'était qui? C'était Hippolyte, Alphonse! Oh, il m'énerve, Alphonse! Alors? Tu fais pas d'efforts non plus, hein? Alors? Je... On a des... mettre un disque! On a des jeux! Ah, il est 4 heures, faut mettre un disque! On a des jeux pour vous, oui. Pour les gens qui écoutent, vous pouvez gagner des CD en jouant avec nous. Des disques! Vous pouvez gagner des disques! Des disques! Il faut appeler le numéro! Alors? Radio de Katy, 02-40-12... Ben c'est quoi après? 0-9-12, c'est la radio de... C'est le numéro pour Prune. Et après vous jouez, vous gagnez des cadeaux. Même si vous êtes jeune, hein, c'est pas grave. Si non. Je veux pas aller à l'hospice. Et un disque de encore de musique jeune. Qui? De la musique jeune, Alphonse. Oui. Oh. Vous là, voulez que je mette là, un disque? Là, là, là. Ah bah oui, c'est une bonne idée. Bon. Tu nous dis ce que tu mets quand même. Il dit jamais ce qu'il met. Ben non, il dit jamais, mais il sait pas ce qu'il met. Il a plus sa tête, Alphonse. Ça fait de la peine de voir ça. Monte-le sur la vitre, là. C'est Bernard Chancherie. Ah, j'en ai entendu parler, oui. Il habitait la terrassière avant. À la bigonnière, oui. Je vois pas qui c'est, moi. Si. Ben non. Le gars qui était bel homme. Oh. Avec son chapeau, des fois, il mettait son chapeau. Oh, non. Son chapeau tout, hein. Qui? Un bel homme, je devrais voir qui c'est. Mais oui, mais tu le disais quand tu voyais, tu disais quel bel homme. Quel bel homme? Oui. Bernard Chancherie, oui. Ben, je vois pas qui c'est. C'était le cousin. Le cousin de qui? Le cousin à Raymond. Oh, le cousin à Raymond. Il fait de la musique, lui. Bon. Ben, c'est ce que dit Alphonse, c'est Bernard Chancherie qui est sur ses disques. Mais tu sais, c'est fait par ordinateur tout ça, maintenant c'est plus les gens qui chantent. Bernard, il fait de l'informatique? Non, ben, c'est un nom, quoi. Ben, un nom. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Alphonse? Voilà, tu nous voilà, fais des grimaces voilà, derrière voilà, la vitre. Voilà. Oh, ah, ça sonne! Il y a un téléphone. T'affole pas, Alphonse, si tu y arrives pas, t'appelles Marco. Tu veux, tu me dis, j'appuie sur le bouton pour lancer le disque. Allô? Oui? Allô? Oui. Qui c'est? C'est François. Oh, bonjour François. François qui? François. Ah? Ah non, ça va? Bah oui, ça va. On fait aller, mais j'ai un petit peu mon dos qui me fait du mal, mais j'ai l'habitude maintenant. Ah, bah faut aller chez le médecin, faut aller voir le docteur. Mais c'est qui ce petit François là qui nous maintenant. Appelle Alors Oui. François, tu vas jouer oui. avec nous. D'accord. Alors, soit on joue à Mamie Tremblant, soit on joue à tirer dans les dans la housse. Que les jeunes dans la housse. Tirer dans la housse. Tirer dans la housse. Que la jeune on les emmerde. Oui. Mais moi j'aime pas trop les jeunes, ça dépend lesquels. La petite Amandine et le petit Marco, j'aime bien mais sur Radio Ducati, les jeunes, on les emmerde. Voilà. Ducati. Ah. On avait bien fait des jeunes pour ça. Ah, j'aime bien ce jingle. Bon, alors Francis. Oui. Tu vas on va passer, on a un petit jeune dans le studio. Il s'appelle Marco. Dès qu'on lui met de la musique de jeune, il se met à danser tout le temps. Oui. Et après, on va lui tirer dessus. Donc, quand la musique est part, tu dis, prends une. Et nous, on tire. Et on voit si on a le Marco. Sors ta carabine, on André. On tire, hein, bien sûr. Ok. T'es prêt? Oui. T'es parti. C'est un vrai disque. Et roulez jeunesse. Je vais l'envoyer. C'est Allez. Pas des 78 tours, hein. Bah il est mort. Bah voilà. Bah tu l'as pas loupé là André hein. C'est clair hein, il s'est pris une bonne décharge de chevrotine. Bravo Francis. C'est très bien Francis. T'as gagné quelque chose. Oui. Merci. T'as pardon. T'es content? Ah oh, super content, mon petit-fils sera heureux. Ah bah oui, ça va lui faire plaisir hein. Oh. Comment qu'il fait pour récupérer son cadeau? Qui? Francis. Ah c'est bon. Qui? Mais qui? Marco. Mais qui c'est qui a volé notre téléphone? Il est pas mort. Marco. Il est 4h. Il est 4h. C'est l'heure de la soupe. Y'a plus personne au téléphone. Mais qu'est-ce que c'est que ce Francis qui est c'est pas poli? C'est Marco qui l'a volé. Je l'ai vu, il est parti avec le téléphone. Mais il avait rien... Marco, il connaît... aller à l'hospice. Marco, il connaît Francis. Il avait l'air bien gentil pourtant ce Francis. Voilà. Ça avait l'air d'être un homme d'un certain âge quand même, hein. Voilà. J'ai vu qu'ils annonçaient pas très beau avant vendredi. Ben oui, c'est vrai qu'il fait pas beau. Bernard Changerie. C'est vrai qu'on s'est écouté ça. On a pu ça. Constater à de nombreuses reprises, Radio Ducati a une influence bénéfique sur le corps et l'organisme de retraités. Je Radio Ducati, conseillé par de grands médecins. Le triangle, c'est ça? Appuie sur la table. Je connais. J'ai entendu à la radio. Mais on m'entend dans la radio. Oh, hey. Je sais pas comment sortir. Coupe la tronche. Je sais pas comment on fait. Mais coupe, débranche les piles. Ah. Na na ni chi wo hi na na ni chi wo hi woi. Na na ni chi wo hi na na ni chi wo hi woi.